Ils ont craché dans nos verres, croyant qu'on allait rien faire et se contenter d'avaler. On est discret mais mortel comme un silencieux, distrait par les bruits de nuit, on ne ferme pas les yeux. Vécu de jeune mais semblable à ceux qui en perdent les cheveux. L'argent, le respect ne font pas bon ménage à deux. On est discret mais mortel comme un silencieux, distrait par les bruits de nuit, on ne ferme pas les yeux. Vécu de jeune mais semblable à ceux qui en perdent les cheveux. L'argent, le respect ne font pas bon ménage à deux. Sortez les spliffs, les boulettes, les sachets de PR. Si j'ai pris le micro, c'est que je veux pas me taire. Ne viens pas me faire la morale si tu sais pas mieux faire. Au mic, on blague. Toi, tu parles beaucoup, toi, tu mérites une claque. Sortez les spliffs et les boulettes, les sachets de PR. Si j'ai pris le micro, c'est que je veux pas me taire. Ne viens pas me faire la morale si tu sais pas mieux faire. Au mic, on blague. Vu que tu parles beaucoup, toi, tu mérites une claque. Si tu voulais nous épauler, on veut le billet, le verre et le violet. On va liquider les mythos, rallumer les micros. Moi, j'ai rallumé le cœur du micro. Que des putains de reprises de volée. Pour les petites dates, ceux qui viennent te voler. Ça kiffe la vitesse, génération, je te baisse, je te laisse, y'a pas désolé. Une voix me dit, mets les mêlés de côté. Dans le rap que j'ai mis la barre, je le baise au millimètre près. Mon ami, maintenant que je suis prêt, va pas me boycotter. Y'a d'un côté, j'ai déballé mes faces devant le mic. Il t'a fallu des barres pour comprendre ça, mon frère. J'ai pas le temps pour tes histoires de bla bla bla bla bla. Illégal, vla, de la bonne musique, illégal pour les gars, les gars. Faut lever les drapeaux, les spliffs, les frères, et les frères. Vas-y, levez les beretta. Sans coûter, toi, écoute, cours les mécras. Lève-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Quoi, après notre passage, faudra changer les draps. Toi, t'es le perdant, si t'as baissé les bras, jaloux, qu'est-ce que tu parles? Tu n'as pas le bon level, n'as pas la mentalité. Est-ce que t'as capté le message? Pétasse, besoin d'espace, fuck tes mespaces. Qui voulait m'éliminer? On connaît la vérité, vous êtes des MC périmés. Quand j'arrive, tu laisses place. On est discret, mais mortel comme un silencieux. Distrait par les bruits de nuit, on ne ferme pas les yeux. Vécu de jeune, mais semblable à ceux qui en perdent les cheveux. L'argent, le respect ne font pas bon ménage à deux. On est discret, mais mortel comme un silencieux. Distrait par les bruits de nuit, on ne ferme pas les yeux. Vécu de jeune, mais semblable à ceux qui en perdent les cheveux.